Bonjour. Salut à tous. Et voici de nouveau sur les routes. On est en ce moment entre marchant entre Kopkekura et Koelemu, dans la 8e région de la rivière Biobío. En ce moment, on longe la rivière Itata. On va croiser un peu plus loin à Koelemu. Une fois n'est pas coutume, on fera cette petite entrevue en marchant pour que vous puissiez vous imaginer et ressentir le rythme balancé de nos pas, ceux qui nous accompagnent tous les jours qu'on marche. Voilà, et on termine quelques jours de repos dans une famille absolument incroyable, l'hospitalité et qui nous a ouvert les portes comme si on était, si on appartenait à leur famille. On s'est senti vraiment à la maison, ça fait du bien de temps en temps aussi. Et on les remercie de tout cœur pour nous faire confiance et pour ces grands moments partagés. Cette famille se trouve à Mel, un petit village ou hameau même, donc qui se trouve à peu près à 30 km au sud de Kopkekura. On a eu l'occasion aussi de connaître les enfants de l'école, enfin des deux écoles. Il y a deux écoles qui sont en concurrence, le hameau est sur la limite entre deux communes. Chacune des communes a son école, c'est un peu surprenant. Une école, trois élèves, et l'autre école, six élèves. On a réussi à regrouper les deux pour faire une petite activité de sensibilisation à l'apiculture, un thème qui nous est particulièrement cher. Et on a essayé de contacter l'apicultrice du coin. Malheureusement, elle n'a pas pu nous rejoindre. C'est toujours intéressant aussi de faire des contacts, que ça permet de ensuite que les enfants puissent aller la voir travailler, etc. L'idée aussi, c'est de pouvoir générer chez les enfants une certaine inquiétude et peut-être une future vocation d'apiculteur, ce qui leur permettrait de devoir partir à la ville pour trouver du travail ou de meilleures conditions de vie que celles de leurs parents, qui sont quasiment tous des petits agriculteurs et assez pauvres. Et le nombre d'élèves de ces écoles-là est aussi le résultat de l'exode rural de toute la région dans laquelle on passe actuellement. Et que vous dire de plus? On est très contents, on espère que tout va bien chez vous. On a aussi l'occasion de voir un spectacle magnifique de chasse par toute une colonie d'oiseaux migrateurs qu'on n'a pas pu identifier jusqu'à maintenant, qui, dans un ballet organisé, arrivait à piéger des bancs de poissons avant de les attaquer en plongeant à la verticale, ce qui permet d'alimenter à chacun des individus de la colonie avec un travail commun qui est vraiment intéressant à voir. Ces deux choses sont un exemple de ce qui nous motive à nous à voyager de la manière dont on le fait, qui peut surprendre certaines personnes, mais qui nous permet de recollecter au bord du chemin des instants et des rencontres tout à fait extraordinaires qu'on a peu l'occasion de voir ou de vivre lorsqu'on voyage en voiture, même en vélo. Donc pour nous, ça donne tout son sens à notre marche. C'est ces instants qui nous donnent l'énergie pour poursuivre et qui compense toutes les petites souffrances et incommodités, je sais pas si ça se dit en français, manque de confort dû à la condition de marcheur qui passe alors complètement en second plan. Voilà, et je vous laisse pour aujourd'hui. C'est pas une traduction complètement fidèle de ce qu'a dit Viviane, mais de temps en temps, il faut bien que les bilingues soient un peu... Ah, il est en train de me prendre une photo. Il faut bien que les bilingues soient un peu privilégiés, donc je suis désolé pour cette fois-ci. J'essaierai de faire mieux une prochaine fois. Voilà, à bientôt.